La croche-oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, l'émission entièrement dédiée à la création sonore et aux musicalités inclassables que nous concoctent les artistes passionnés par le son et toutes sortes de machines sonores. Je vous propose ce soir une rencontre avec l'artiste Myriam Blou, une artiste multidisciplinaire assez fascinante, à la fois musicienne, performeuse et sculpteur de matière numérique, dont les œuvres sonores et visuelles à dimension technologique voyagent vitesse grand V aux quatre coins de la planète. Myriam lançait il y a quelques mois un album d'expérimentation sonore intitulé Lumens and Profit que je vous ferai entendre ce soir pour émailler ses propos, un album inspiré de ses travaux artistiques dont ce magnifique projet performatif intitulé Soft Revolver qu'on a pu voir et admirer ici à Québec dans le cadre du mois multi de février 2015, alors il y a tout de même 5 ans. Myriam raconte dans un entretien qu'elle a accordé à un magazine des Pays-Bas, qu'elle préfère grandement l'ambiguïté à toute tentative didactique. « Je m'intéresse, dit-elle, au mélange des références culturelles à la science-fiction, à l'avenir de l'incarnation humaine dans un contexte technologique, au cyborg et à l'opposition du réel au virtuel. Je me demande, dit-elle, si la musique seule a les moyens d'aborder tous ces thèmes. » Myriam Blou crée des environnements audiovisuels et interactifs qui prennent la forme d'installations sonores et de performances dans lesquelles le son, le mouvement et la lumière constituent les points d'ancrage de sa trajectoire artistique. Elle s'en inspire d'ailleurs pour construire son album Lumens and Profit, constitué de matière sonore pure qui se décline en 8 mouvements évoquant l'errance et la pesanteur. Les rythmes, dit-elle, se dispersent, s'effondrent violemment et se redressent en souriant avec les mains en l'air, sprintant vers la lumière. Alors voilà ce qui donne le ton au programme de ce soir, une rencontre par documents audio échangés, interposés sur la toile en cette période de confinement généralisé, du contenu d'une grande richesse de la part de Myriam. Alors sans plus tarder, rencontre avec Myriam Blou autour de son projet Lumens and Profit. D'abord, le titre de l'album, Lumens and Profits, ça peut être traduit en français par Lumens et Profit, en fait, tout simplement. Dans le fond, avec ce titre-là, j'essayais de faire un clin d'œil à ma performance Soft Revolvers. Dans le fond, je voulais que le projet d'album soit un peu un complément à la performance. C'est vraiment deux projets distincts, donc la musique que vous entendez dans la performance, c'est vraiment pas ce qui se retrouve sur l'album. Cependant, il y a beaucoup de procédés de composition ou encore même des échantillons qui se retrouvent sur l'album. Donc, il y a cette espèce de parallélisme entre les deux. Procédés de composition, par exemple, dans la performance Soft Revolver, j'étais très intéressée par les changements de tempo, mais sans que ça soit sur une grille. Donc, beaucoup d'accélération, décélération. Et aussi un peu des références à la culture, quelques références à la culture hip-hop, J'avais un groupe de hip-hop un peu avant de commencer le projet Soft Revolvers, donc c'est un peu une référence à cette partie-là. Si je reprends le titre, donc Lumens, en fait, c'est l'unité de mesure de l'intensité lumineuse d'une source. C'est quelque chose quand même que j'ai utilisé à plusieurs reprises pour choisir mes LED. Donc, dans des projets, donc c'est juste la mesure à quel point le LED va être brillant, lumineux. Et ensuite, profits, bon, les profits. Donc, ce serait un peu l'idée ironique de faire beaucoup d'argent avec ma musique, ce qui est évidemment pas le cas. Et ça aussi, ça fait un peu référence à Soft Revolvers, ou du moins comme l'attitude que je voulais avoir dans cette performance. Donc, j'ai quelques échantillons dans la performance qui parlent des coûts de production. Donc, ça dit, genre, can't forget about the production cost. On ne peut jamais oublier les coûts de production. Donc, c'est toujours ce rapport à l'argent qui est omniprésent, qui est stressant dans le travail d'un artiste, mais qui aussi fait partie des contraintes avec lesquelles on doit travailler. Évidemment, on espérait tous avoir des budgets plus généreux, mais en même temps, je pense que ça nous permet aussi de garder une intégrité artistique parce que le côté marchandisation est même pas dans le portrait parfois. Thank you. Alors voilà, en préparant cette rencontre virtuelle avec Myriam, j'ai réalisé que son approche de la création et de la recherche était très singulière en termes de liberté d'action, de finalité, d'identité artistique. Les tournées vous prennent beaucoup de temps, dit-elle. On n'est pas toujours compris et certains projets mettent du temps à se réaliser complètement. C'est important de prendre le temps pour se concentrer sur la recherche, méditer et en faire surgir des aspects ludiques. On écoute Myriam à ce propos. Ça fait environ 5-6 ans que je fais de la tournée avec des projets audiovisuels de performance. Puis je me suis rendu compte assez rapidement que quand on fait de la tournée constamment, ça laisse vraiment peu de temps pour développer le côté créatif. Au final, faire de la tournée, ça finit par être un travail vraiment à temps plein. Puis ça laisse vraiment peu de temps pour faire de la recherche, mener les choses plus en profondeur. Puis de plus en plus, il y a un peu la pression de la nécessité de marchandiser ce qu'on fait, donc il faut que les performances se vendent bien. C'est plus facile à vendre quand il y a une suite logique, quand il y a différents projets. Donc c'est pour ça que souvent on va voir des artistes faire un peu le même genre de projet, on sait à quoi s'attendre, ça se vend mieux. Avec moi, ça a été un peu les interfaces gestuelles. Mais récemment, il y a tellement d'autres trucs qui m'intéressent que j'ai envie un peu de briser ce côté-là. De toute façon, je pense que j'ai une personnalité assez subversive. Ça se voit pas nécessairement dans mes projets, dans mes travaux, mais c'est quelque chose qui fait partie vraiment intégrante de ma personnalité. J'ai tendance à vouloir toujours critiquer ce qui est autour de moi, faire l'inverse de ce dont on s'attendrait de moi. Donc récemment, j'ai essayé d'éclater un peu plus ma pratique. Quand j'ai présenté le projet Eternity Be Kind, qui est avec un avatar virtuel, je suis pas sur scène, il y a beaucoup de gens qui comprenaient pas vraiment la direction que je prenais. Aussi, la musique est super hyper pop, donc c'est vraiment moi l'influence électroacoustique qui caractérise mes autres projets. Mais je trouve ça quand même intéressant parce que c'est plus le côté cyborg, les avatars, aussi la question de dans l'ère d'Internet, comment on peut parler d'authorship, je sais pas vraiment comment traduire ça, mais aussi les identités virtuelles, la possibilité de se créer des nouvelles identités, parce qu'au final, sur Instagram, sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, on finit par se créer une nouvelle persona, un nouveau personnage qui est pas exactement nous. Donc, pourquoi pas démultiplier toutes ces identités? Donc, ça, c'est juste pour vous donner un peu un exemple. Donc, j'essaie de plus en plus de réfléchir à des sujets qui m'intéressent, puis essayer juste de matérialiser des projets qui vont refléter ce qui me tient à cœur en ce moment, sans trop m'en faire avec si ça va se vendre ou pas. Ouais, parce qu'au final, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de faire de la recherche, d'approfondir des choses, d'apprendre des nouveaux trucs. Donc, ouais, en ce moment, j'essaie vraiment juste d'éclater ma pratique. Je fais des trucs qui vont vraiment à l'encontre de ce que je faisais avant. Par exemple, j'ai un projet pour Dome en ce moment qui est super drone. Donc, ça va vraiment à l'encontre du côté plus articulé de beaucoup de mes projets. Probablement que c'est un faux pas pour ma carrière parce que, comme j'ai dit, c'est plus facile quand les projets se suivent de façon logique. Mais en même temps, d'un côté personnel, moi j'ai envie d'explorer des nouveaux trucs puis de retrouver le côté ludique qui était là au début quand j'ai commencé à faire des projets puis que je me suis rendu compte que j'ai perdu un peu au fil des années en faisant trop de tournées. Donc ouais, c'est pour ça qu'en ce moment j'essaie de me concentrer un peu plus sur la recherche et la création ludique.

pense que c'est normal et nécessaire de se faire influencer par notre environnement. De ma part, j'aime bien me tenir au courant de ce qui se passe, de ce qui sort au niveau musical. J'aime me tenir aussi au courant des nouvelles technologies, de tout ce qui se passe. Mais en même temps, il faut faire la part des choses pour ne pas tomber dans l'effet trend. Puis de faire quelque chose quand même qui va être intègre. Je trouve ça toujours très important que le médium choisi corresponde aux propos et qui, d'une certaine manière, ça devienne une unité. J'ai pas envie de faire un projet, par exemple, sur l'intelligence artificielle si vraiment je trouve pas ça complètement intégré au médium que j'ai choisi, à la performance que j'ai choisi de faire. Donc, pour ça, je pense que c'est vraiment important de prendre le temps de méditer sur des idées, puis les morceaux viennent un peu au fur et à mesure. Aussi, je pense qu'en ce moment, je me questionne beaucoup sur le concept du spectaculaire versus du spéculatif. Il y a une vidéo de Alan Warburton, qui est un artiste britannique qui fait de l'animation 3D, qui a fait une espèce d'essai vidéo qui est disponible sur son Vimeo. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Il parle un peu des arts médiatiques et comment, pour lui, c'est important d'essayer de trouver le juste milieu entre le spectaculaire, donc la fine pointe des technologies, les effets spéciaux, mais qui aussi, d'une certaine manière, sont plus propices à faire partie des tendances et à devenir obsolètes. Et de l'autre côté, le côté spéculatif, plus politique, souvent, qui va justement critiquer le côté spectaculaire tout en utilisant un peu les détritus technologiques, mais souvent, cet aspect spéculatif va manquer de technique, il va pas bien maîtriser ses outils au niveau technologique, puis parfois va passer à côté justement de ce qui est idiomatique à un médium, puis ce côté-là de trouver quelque chose qui va être caractéristique à un médium est très important pour moi aussi, donc c'est pour ça que je pense que ça nécessite beaucoup de recherche et vraiment de se plonger totalement dans un médium, plutôt par exemple que d'engager quelqu'un pour le faire à sa place. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur, justement, de le plus possible de mettre les mains à la pâte puis de vraiment avoir contrôle sur tous les éléments d'un projet. Oh. Voilà ce qui complète la première demi de l'émission en compagnie de l'artiste multidisciplinaire et numérique Myriam Blot. On poursuit ça après un bref battement promotionnel. L'accroche-oreille. Alors, rebonsoir tout le monde, voilà, c'est la croche-oreille, second souffle sonore qui se poursuit sur les ondes de CKRL 89.1 en compagnie ce soir de Myriam Blot. J'en profite pour vous rappeler que vous pourrez retrouver la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-oreille ainsi que toutes les émissions produites jusqu'à maintenant en balado-diffusion. Cela dit, je poursuis avec vous cette belle rencontre entamée en première partie d'émission avec Myriam Blot, une artiste numérique d'origine montréalaise, performeuse, compositrice et facteur d'instruments numériques. Ses œuvres cherchent à transcender les écrans, prennent la forme d'installations sonores et d'interfaces musicales qu'elle développe à partir des nouvelles technologies. Ses œuvres explorent les limites entre la performance musicale et les arts numériques, des œuvres inspirées par l'hybridation des genres hip-hop, techno et j'en passe. Ses œuvres et performances ont été présentées en Europe, en Scandinavie, en Asie. Myriam recevait d'ailleurs une mention d'honneur au prix Ars Electronica en 2015, ce qui n'est pas peu dire. Voilà qui est dit. Retour sur cette rencontre que m'a accordée Myriam Blot il y a quelques semaines autour de ses dernières créations sonores, dont ce magnifique projet intitulé Stories of Mechanical Music, une boîte à musique numérique construite à partir d'une accumulation de CD découpés, un objet sonore qui résume en un coup de manivelle un pan important de l'histoire de la musique instrumentale. Le projet Stories of Mechanical Music, ça partait un peu de l'idée de créer une version numérique du jukebox ou un peu d'une playlist sur Internet. Donc, je pense dans beaucoup de projets, je trouvais ça intéressant un peu de recontextualiser ou bien des moments importants de la musique, de l'histoire de la musique ou carrément des instruments, comme je l'ai fait dans Soft Revolvers avec les turntables ou avec Autopsy Glass. Donc, j'essayais de reprendre l'idée de briser son instrument à la fin d'une performance de façon un peu punk. Donc, Stories of Mechanical Music, justement, donc c'est l'idée de faire une version audiovisuelle numérique d'une playlist en ligne qui redonne quand même un pouvoir d'action au public. Donc, c'est une genre de boîte à musique faite avec 75 CD qui ont été coupés à la CNC. Le public peut interagir en tournant une manivelle sur le côté. Donc, dépendant du sens de rotation, de la vitesse, ça va influencer sur la musique qu'on va entendre. Donc, ça va moduler la vitesse ou parfois même ça va changer de mode de lecture. J'ai essayé aussi de rajouter des éléments ludiques, donc un peu de passer à différents niveaux. Donc, c'est une œuvre aussi, je pense, qui a un côté visuel assez frappant parce que, étant donné que les CD ont un aspect spéculaire, donc un peu de miroir, avoir 75 CD un après l'autre, on voit la réflexion de la couverture du CD précédent sur le CD, sur les CD sur les côtés. Donc, ça crée un effet un peu de chatoiement qui est assez intéressant. C'est une œuvre aussi que j'ai déclinée en trois versions pour une exposition aux États-Unis qui s'appelle Wonder Space. Donc, si la situation avait été un peu différente en ce moment, ça serait en train de tourner aux États-Unis. On verra ce qui se passe avec ça, mais c'est un projet qui est encore en vie et qui tourne un peu. Eh bien, la performance Soft Revolver de Myriam Blow, qu'elle réalise avec un jeu de toupies électroniques luminescentes, a sans doute constitué le moment décisif de son cheminement sur le plan artistique. Myriam nous raconte comment a émergé ce travail de conception qui, étrangement, relie des savoir-faire traditionnels, le tour à bois notamment, et les nouvelles technologies. Les beaux mystères de la création que nous présente Myriam. Soft Revolver, c'est un peu le projet qui a commencé ma carrière. Je pense dans pas mal tous mes projets, je pars avec une idée qui n'a rien à voir souvent avec les technologies que je maîtrise, mais ça va raccrocher un peu, cette idée de départ me permet de raccrocher différentes méthodes de fabrication, différents médiums ensemble. Puis pour moi, ça a toujours été plus créatif, plus enrichissant de partir d'une idée plutôt que de partir d'une technologie, par exemple. Donc, avec Soft Revolvers, c'est une performance pour 4 grosses toupies faites en acrylique transparente. Au centre du corps des toupies, il y a des capteurs de mouvement qui me permettent de suivre la vitesse de rotation des toupies. Donc ça, c'est transmis à mon ordinateur où est-ce que je module la musique en fonction de la vitesse des toupies. Il y a aussi des LED à l'intérieur, donc des sources lumineuses qui permettent un peu d'éclairer le corps des toupies. Puis ça permet de visualiser un peu le mouvement. Durant la performance, j'ai une caméra en plongée qui permet de visualiser ce qui se passe sur ma table de performance. C'est une performance qui est très immédiate. C'est vraiment comme si je jouais d'un instrument. Puis c'est encore vraiment, vraiment super motivant pour moi de la performer. Comment c'est arrivé comme idée? Je me souviens justement que j'avais juste cette idée de faire de la musique avec des toupies. Je trouvais que c'était c'était intéressant de travailler avec des jeux ou des jouets parce que c'est déjà justement quand on parle d'un instrument, on parle d'en jouer. J'ai toujours pensé que d'utiliser des trucs ludiques, ça se portait bien à faire une interface musicale. Au départ, j'ai essayé de faire des prototypes en bois. Ensuite de mettre de l'acrylique sur un tour à bois. Mon grand-père a un tour à bois. Donc, j'ai commencé à essayer de faire des toupies de cette façon-là, mais je me suis rendu compte que ce serait pas vraiment possible. Donc, j'y suis allée avec un design finalement beaucoup plus minimal. Puis tout ça a été vraiment organique. J'ai commencé à jouer avec les toupies. Je me suis rendu compte qu'un peu, il y avait une référence au scratch. Ça ressemblait un peu à des platines vinyle, donc tape tournante. Puis j'ai décidé d'intégrer des influences hip-hop, des échantillons de voix, mais aussi toute la façon, toute l'interaction un peu est basée sur la métaphore de la turntable. Puis je pense que c'est pour ça que ça a bien marché. Puis c'est une idée que j'ai repris après dans d'autres projets, justement de recontextualiser un élément de l'histoire de la musique. C'est une performance, maintenant, j'ai calculé récemment que j'ai faite 92 fois. Donc ça fait depuis, je pense, 2014 que je la tourne. Je me suis dit que j'allais probablement essayer de me rendre jusqu'à 100 et ensuite de la remiser. Ouais, c'est une performance que j'aime beaucoup, mais je pense que c'est temps de lui faire prendre une petite pause. Alors, Myriam Blau, d'abord, grand merci pour cette rencontre et les réflexions que tu nous partages. On va clore ça sur tes projets en cours et ceux qui sont à venir sur fond sonore de ce bel album intitulé Lumens and Profit qu'on peut trouver facilement sur la plateforme Bandcamp. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il se passerait beaucoup de choses si la situation était un peu différente. mais j'ai un projet de dôme avec une artiste française qui s'appelle Sandrine Demier. C'est un projet qu'on a développé à Barcelone en octobre passé dans une résidence. On a présenté au Festival Mira. Donc, c'est un projet qui est assez différent de ce que je fais d'habitude. C'est très méditatif, contemplatif. Je suis allée chercher des influences musicales que j'utilise rarement. Ça m'a permis de refaire ma paix un peu avec tout ce qui est drone et musique plus durational. Je ne sais pas si ça se traduit en français, mais donc la musique qui va être dans la durée. C'est les images de Sandrine sont vraiment très poétiques. Elle crée des espèces de sculptures en 3D en utilisant des morceaux humains mélangés avec des objets technologiques comme des trucs qui ressemblent un peu à des power supply. Elle mélange ça aussi avec ouais, comme des chiens robotiques pour en créer des genres de d'ornementation végétale, donc des grappes où il y a des abeilles aussi là-dedans. Donc c'est un projet très poétique, mais en même temps qui a une portée politique pour l'environnement. Donc ça se questionne un peu sur une sortie d'anthropocène. Est-ce que si on essaye de se projeter dans une espèce de devenir végétal, s'il n'y a pas moyen justement de recréer un équilibre avec la nature? Donc ce projet-là, on devrait le finir bientôt. Il devait être présenté au Planétarium de la Villette à Paris. Je continue à tourner un projet qui s'appelle Eternity Be Kind en collaboration avec le Turbo Avedon. On est en train de travailler sur des gros updates, donc pour les présentations à l'automne, on verra ce qui se passe avec ça. Je suis aussi en train d'essayer justement de travailler sur des projets d'albums avec ces différents projets-là, puis je vais voir qu'est-ce qui se passe. J'ai toujours la série Stories of Mechanical Music qui était censée tourner un peu aux États-Unis dans différentes villes. Et généralement, j'essaie aussi de pousser une nouvelle performance avec Lazar et Super Collider. C'est une performance qui est vraiment plus algorithmique, quand même un peu froide, mais vraiment comme dans la recherche de synthèse sonore et quelque chose d'un peu plus formaliste, je dirais. Vraiment retrouver un intérêt pour la forme et la lumière pure. Donc, c'est un projet qui s'appelle Hypermobility. Pour l'instant, je l'ai fait seulement qu'une fois à Trondheim, en Norvège. J'étais censée le faire à la fin mars à San Francisco, mais bon, ça a été annulé. Donc, pour l'instant, j'essaie de continuer d'avoir une routine à la maison pour travailler sur des projets musicaux. Puis, j'espère que je vais être capable de mener des trucs à terme malgré la situation. Merci, Gaëtan. Ainsi s'achève l'accroche-oreille pour ce soir. Grand merci à Myriam Blot. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur le site l'accroche-oreille pour retrouver les émissions archivées et le titre des pièces entendues. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h sur les ondes CKRL 89.1. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue.